Madame Marneff eut une furieuse envie de voir le jeune comte de Steinbock après en avoir appris l'histoire. Peut-être en voulait-elle obtenir quelques bijoux pendant qu'elle vivait encore sous le même toit. Cette curiosité déplut tant au baron que Valérie jura de ne jamais regarder Venceslas. Mais, après avoir fait récompenser l'abandon de cette fantaisie par un petit service de thé complet en vieux sèvres, pâte tendre, elle garda son désir au fond de son cœur, écrit comme sur un agenda. Donc, un jour qu'elle avait prié sa cousine bête de venir prendre ensemble leur café dans sa chambre, elle l'a mis sur le chapitre de son amoureux, afin de savoir si elle pourrait le voir sans danger. « Ma petite, » dit-elle, car elle se traitait mutuellement de « ma petite, « pourquoi ne m'avez-vous pas encore présenté votre amoureux ? Savez-vous qu'il est en peu de temps devenu célèbre ? Lui, célèbre ? Mais on ne parle que de lui. « Ah, bah !» s'écria Lisbeth. « Il va faire la statue de mon père, et je lui serai bien utile pour la réussite de son œuvre. « Il va, dites-vous, ma petite, faire une statue ?» demanda Lisbeth. « De 9 pieds, commandée par le ministère de la guerre. » « Ah, ça, d'où sortez-vous ? Je vous apprends ces nouvelles-là. Mais le gouvernement va donner au comte de Steinbock un atelier et un logement au dépôt des marbres. Votre polonais en sera peut-être le directeur. Une plaque de 2 000 francs, une bague au doigt. Comment savez-vous tout cela ? Quand moi je ne le sais pas, » dit enfin Lisbeth en sortant de sa stupeur. « Voyons, ma chère petite cousine bête, » dit gracieusement Madame Marneff, « êtes-vous susceptible d'une amitié dévouée à toute épreuve ? Voulez-vous que nous soyons comme deux sœurs ? Voulez-vous me jurer de n'avoir pas plus de secret pour moi que je n'en aurais pour vous, d'être mon espion comme je serai le vôtre ? Voulez-vous surtout me jurer que vous ne me vendrez jamais, ni à mon mari, ni à M. Hulot, et que vous n'avouerez jamais que c'est moi qui vous ai dit ?» Madame Marneff s'arrêta. Dans cette œuvre de Picador, la cousine bête l'effraya. La physionomie de la Lorraine était devenue terrible. Ses yeux noirs et pénétrants avaient la fixité de ceux des tigres. Sa figure ressemblait à celle que nous supposons aux pythonisses. Elle serrait ses dents pour les empêcher de claquer, et une affreuse convulsion faisait trembler ses membres. Elle avait glissé sa main crochue entre son bonnet et ses cheveux pour les empoigner et soutenir sa tête, devenue trop lourde. Elle brûlait. La fumée de l'incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides, comme au parotant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Ce fut un spectacle sublime. « Eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous » dit-elle d'une voix creuse. « Je serai pour vous tout ce que j'étais pour lui. Oh, je lui redonnais tout mon sang. Vous l'aimez donc ? Comme s'il était mon enfant. Eh bien, reprit Madame Marneff en respirant à l'aise, puisque vous ne l'aimez que comme ça, vous allez être bien heureuse, car vous le voulez heureux. » Lisbeth répondit par un signe de tête rapide comme celui d'une folle. « Il épouse, dans un mois, votre petite cousine. Hortense !» cria la vieille fille en se frappant le front et en se levant. « Ah, ça ! Vous l'aimez donc, ce jeune homme ?» demanda Madame Marneff. « Ma petite, c'est entre nous, à la vie, à la mort, » dit Mademoiselle Fischer. « Oui, si vous avez des attachements, ils me seront sacrés. Enfin, vos vices deviendront pour moi des vertus, car j'aurai besoin, moi, de vos vices. « Vous viviez donc avec lui ?» s'écria Valérie. « Non, je voulais être sa mère. » « Ah, je n'y comprends plus rien, » reprit Valérie, « car alors, vous n'êtes pas jouée ni trompée, et vous devez être bien heureuse de lui voir faire un beau mariage. Le voilà lancé. D'ailleurs, tout est bien fini pour vous, allez. Notre artiste va tous les jours chez Madame Hulot, dès que vous sortez pour dîner. » « Adeline, » se dit Lisbeth, « oh, Adeline, tu me le paieras. Je te rendrai plus laide que moi. » « Mais, vous voilà pâle comme une morte, » reprit Valérie. « Il y a donc quelque chose ? » ?»« Oh, suis-je bête ? La mère et la fille doivent se douter que vous mettriez des obstacles à cet amour, puisqu'elle se cache de vous, » s'écria Madame Marneff. « Mais, si vous ne viviez pas avec le jeune homme, tout cela, ma petite, est pour moi plus obscur que le cœur de mon mari. » « Oh, vous ne savez pas, vous, » reprit Lisbeth, « vous ne savez pas ce que c'est que cette manigance-là. C'est le dernier coup qui tue. En ai-je reçu des meurtrissures à l'âme ? Vous ignorez que depuis l'âge où l'on sent, j'ai été immolé à Adeline. On me donnait des coups, et on lui faisait des caresses. J'allais mise comme une souillon, et elle était vêtue comme une dame. Je piochais le jardin, j'épluchais les légumes, et elle, ses 10 doigts ne se remuaient que pour arranger des chiffons. Elle a épousé le baron. Elle est venue briller la cour de l'empereur. Et je suis resté jusqu'en 1809 dans mon village, attendant un parti sortable pendant 4 ans. Ils m'en ont tiré, mais pour me faire ouvrière et pour me proposer des employés, des capitaines qui ressemblaient à des portiers. J'ai eu pendant 26 ans tout leur reste. Adeline me filoue de mon bonheur. Adeline, Adeline, je te verrai dans la boue et plus bas que moi. Hortense, que j'aimais, m'a trompé. Le baron, non, cela n'est pas possible. Voyons, redites-moi les choses qui là-dedans peuvent être vraies. Calmez-vous, ma petite. Valérie, mon cher ange, je vais me calmer, répondit cette fille bizarre en s'asseyant. Une seule chose peut me rendre la raison. Donnez-moi une preuve. Mais votre cousine Hortense possède le groupe de Samson, dont voici la lithographie publiée par une revue. Elle l'a payée de ses économies, et c'est le baron qui, dans l'intérêt de son futur gendre, le lance et obtient tout. De l'eau, de l'eau, demanda Lisbeth, après avoir jeté les yeux sur la lithographie au bas de laquelle elle le lut, groupe appartenant à mademoiselle Hulot d'Hervy. De l'eau, ma tête brûle, je deviens folle. Madame Marneff apporta de l'eau. La vieille fille ôta son bonnet, défit ses noirs cheveux et se mit la tête dans la cuvette que lui tint sa nouvelle amie. Elle s'y trompa le front à plusieurs reprises et arrêta l'inflammation commencée. Après cette immersion, elle retrouva tout son empire sur elle-même. « Pas un mot, » dit-elle à Madame Marneff en s'essuyant. « Pas un mot de tout ceci. Voyez, je suis tranquille et tout est oublié. Je pense à bien autre chose. » « Elle sera demain à Charenton, c'est sûr, » se dit Madame Marneff en regardant la Lorraine. « Que faire ?» reprit Lisbeth. « Voyez-vous, mon petit ange, il faut se taire, courber la tête et aller à la tombe, comme l'eau va droit à la rivière. Que tenterais-je ? Je voudrais réduire tout ce monde, Adeline, sa fille, le baron, en poussière. Mais que peut une parente pauvre contre toute une famille riche ? Ce serait l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. » « Oui, vous avez raison, » répondit Valérie. « Il faut seulement s'occuper de tirer le plus de foin à soi du râtelier. Voilà la vie à Paris. »« Eh, » dit Lisbeth, « je mourrai promptement. Allez, si je perds cet enfant, à qui je croyais toujours servir de mère, avec qui je comptais vivre toute ma vie. » Elle eut des larmes dans les yeux et s'arrêta. Cette sensibilité chez cette fille de soufre et de feu fit frissonner Madame Marneff. « Eh bien, je vous trouve, » dit-elle en prenant la main de Valérie. « C'est une consolation dans ce grand malheur. Nous nous aimerons bien. Et pourquoi nous quitterions-nous ? Je n'irai jamais sur vos brisées. On ne m'aimera jamais, moi. Tout ce qui voulait de moi, m'épouser, à cause de la protection de mon cousin. Avoir de l'énergie à escalader le paradis et l'employer à se procurer du pain, de l'eau, des guenilles et une mansarde. Ah, c'est là, ma petite, un martyr. J'y ai séché. » Elle s'arrêta brusquement et plongea dans les yeux bleus de Madame Marneff un regard noir qui traversa l'âme de cette jolie femme comme la lame d'un poignard lui eût traversé le cœur. « Et pourquoi parler ? » s'écria-t-elle en s'adressant un reproche à elle-même. « Ah, je n'ai jamais tant dit. Allez !»« Comme vous dites sagement, aiguisons nos dents et tirons du râtelier le plus de foin possible. » « Vous avez raison, » dit Madame Marneff, que cette crise effrayait et qui ne se souvenait plus d'avoir émis cet apophtegme. Je vous crois dans le vrai, ma petite. Allez, la vie n'est déjà pas si longue. Il faut en tirer parti tant qu'on peut, et employer les autres à son plaisir. J'en suis arrivé, là, moi, si jeune. » Frappée de l'attention que lui prêtait Lisbeth, elle jugea nécessaire de s'assurer d'elle avant de lui livrer ses derniers secrets. « Voyez, ma petite, quelle est ma confiance en vous ?» reprit Madame Marneff, à qui Lisbeth répondit par un signe excessivement rassurant. On jure souvent par les yeux et par un mouvement de tête, plus solennellement qu'à la cour d'assises. « Adieu, ma petite, » dit brusquement Lisbeth. « Nous ne nous quitterons plus jamais. Je vous aime, je vous estime, je suis à vous. Mon cousin me tourmente pour que j'aille loger dans votre future maison, rue Vanneau. Je ne le voulais pas, car j'ai bien deviné la raison de cette nouvelle bonté. Tiens, vous m'auriez surveillé, je le sais bien, » dit Madame Marneff. « C'est bien là la raison de sa générosité, » répliqua Lisbeth. « À Paris, la moitié des bienfaits sont des spéculations, comme la moitié des ingratitudes. sont des vengeances. Avec une parente pauvre, on agit comme avec les rats à qui l'on présente un morceau de lard. J'accepterai l'offre du baron, car cette maison m'est devenue odieuse. Ah, ça, nous avons assez d'esprit toutes les deux pour savoir taire ce qui nous nuirait et dire ce qui doit être dit. Ainsi, pas d'indiscrétion et une amitié à toute épreuve, s'écria joyeusement Madame Marneff, heureuse d'avoir un porte-respect, une confidente, une espèce de tante honnête. Écoutez, le baron fait bien les choses, Ruvano. Je crois bien, reprit Lisbeth, il en est à 30 000 francs. Je ne sais où il les a pris, par exemple, car Josepha, la cantatrice, l'avait saigné à blanc. Eh bien, reprit Madame Marneff, avec la sécurité des filles qui n'est que de l'insouciance, ma petite, dites donc, prenez de ce ménage-ci tout ce qui pourra vous aller pour votre nouveau logement. Cette commode, cette armoire à glace, ce tapis, la tenture. Les yeux de Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'une joie insensée. Elle n'osait croire à un pareil cadeau. Vous faites plus pour moi, dans un moment, que mes parents riches en 30 ans, s'écria-t-elle. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais des meubles. À sa première visite, il y a quelques semaines, le baron a fait une grimace de riche à l'aspect de ma misère. Eh bien, merci, ma petite, je vous revaudrai cela. Vous verrez plus tard comment. Valérie accompagna sa cousine bête jusque sur le palier où les deux femmes s'embrassèrent. Comme elle pue la fourmi, se dit la jolie femme quand elle fut seule, je ne l'embrasserai pas souvent, ma cousine. Cependant, prenons garde, il faut l'aménager. Elle me sera bien utile, elle me fera faire fortune. En un instant, la cousine bête était redevenue elle-même. En un instant, ce caractère de corse et de sauvage, ayant brisé les faibles attaches qui le courbaient, avait repris sa menaçante hauteur, comme un arbre s'échappe des mains de l'enfant qu'il a plié jusqu'à lui pour y voler des fruits verts.